Le mardi 26 juillet, il est 12h30. Voici vos informations. D'abord, l'ancien agent officiel du ministre Jean-Yves Duclos est accusé d'avoir volé 20 000 $ dans les caisses de son candidat. Denis Laverdière, un Lévisien de 53 ans, avait été engagé à l'automne dernier pour gérer les finances du candidat libéral. Selon le journal Le Soleil, il aurait dérobé la somme de plusieurs milliers de dollars entre l'élection d'octobre 2015 et la fin janvier 2016. L'homme a reconnu son geste, mais il tarde à procéder au remboursement. Il comparaîtra au Palais de justice de Québec le 4 octobre prochain. Et des centaines d'athlètes mineurs de la région de la capitale nationale reviennent de Montréal, la tête pleine de souvenirs. C'est hier que prenait fin la 51e finale des Jeux du Québec. C'est le plus grand rassemblement multisport de la province. Les 227 athlètes de la capitale nationale ne reviennent pas les mains vides, loin de là. Avec une récolte de 95 médailles, dont 39 d'or, la délégation prend le deuxième rang du classement, tout juste derrière la rive sud de Montréal, qui n'a que 3 médailles de plus. Écoutons la chef de la délégation, Sarah Langlais-Lapierre, qui était sur nos ondes plus tôt aujourd'hui. Donc, un deuxième rang qui est fort satisfaisant. C'est sûr, on vise toujours les plus hauts niveaux, mais on peut pas être déçu d'une si belle récolte. Donc, pour nous, c'est mission accomplie. Cette année, on avait 227 athlètes et 51 entraîneurs et accompagnateurs qui étaient dans notre délégation dans 16 disciplines sportives. Donc, une grosse délégation qui s'est démarquée, entre autres, en cyclisme sur route, en golf, en tir à l'arc, en natation. Vélo de montagne, une belle surprise en volleyball féminin qui sont allés ravir la médaille d'argent. Donc, des magnifiques performances. C'est une super belle école de vie. En fait, c'est la première fois souvent pour ces jeunes-là qui vont participer à une compétition d'envergure multisport. Donc, ils ne feront pas seulement avec leur sport, mais avec plusieurs autres. Puis, c'est aussi la première fois souvent au niveau du sentiment d'appartenance, donc de porter les couleurs d'une région, de pas seulement compétitionner pour soi. En France, un homme a été mis en garde à vue relativement à l'attaque perpétrée dans une église qui a fait un mort et un blessé grave aujourd'hui. Les événements sont survenus près de Rouen, dans le nord. Les deux assaillants ont été abattus par la police. Ils se revendiquent du groupe armé État islamique. Enfin, en Écosse, les deux pilotes d'Air Transat ont retrouvé leur liberté sous caution. Ils doivent respecter un certain nombre de conditions qui n'ont pas été précisées, tout comme la date de leur prochaine comparution. Ils sont accusés d'avoir tenté de décoller en état d'ivresse. La famille conteste cette version des faits, prétend qu'ils ont été arrêtés aux douanes après une altercation avec le personnel de leur hôtel. Et c'est ce qui complète ce point sur l'actualité. C'était Dominique Lelièvre pour CKRL.